Le vase à Mathilde de. Là-bas, dans la pénombre, au coin de l'étagère, le vase avec ses fleurs, roses, lys, œillets blancs, herbes folles, jasmin, élégantes fougères, semble peint par un dieu sur les rideaux tremblants. Le ton rouge éclatant de l'étoffe alourdie accentue à souhait les suaves pâleurs du merveilleux faisceau. C'est une mélodie faite par le printemps qu'elle chante ses fleurs. Et ce vase lui-même, aux formes contournées, rugueux comme du grès, dont les flancs travaillés ont roulé dans les flots pendant bien des années, par la vague mobile incessamment mouillée, ce vase chante aussi son poème. Il exhale une sombre tristesse. Il a vu si souvent, comme un linceul glacé, passer sur un front pâle l'eau verte dont l'écume haletait sous le vent. Il a vu tant de fois des formes incertaines, quand la lune montait livide à l'horizon. Il a vu si souvent de joyeux capitaines qui n'ont plus repassé le seuil de leur maison. C'était à l'aube. Au ciel montaient des rayons fauves. À travers le brouillard, par le jour dispersé, de longs vols d'alcyons et d'éclatantes mauves passaient, rasant la mer de leur vol cadencé. Deux pêcheurs, sous la voile aux plis teints par l'aurore, relevaient leurs filets. De leur groupe éloigné, un homme au front pensif songeait, songeait encore, sans regarder le flot de lumière baigné. Des clameurs. Il tressaille, et sa pensée errante revient. Il voit, parmi le poisson argenté, ce vase que la vague horrible ou murmurante dans son sinistre sein avait longtemps porté. « Donnez-le-moi, dit-il. » Avec sa teinte sombre, ce vase, de mon cœur est bien l'emblème et l'ombre. Plus tard, quand au combat s'enduit par le devoir, la mort vint lentement le couvrir de son aile, ce fut le souvenir qu'il fit remettre à celle qu'il aimait, et jamais ne devait plus revoir. Et voilà donc pourquoi, lorsque je te supplie, ô ma chère adorée, une larme descend de tes yeux de velours sur ta lèvre pâlie. Tu regardes ce vase et songes à l'absent.